il y avait un coup de sirène. Oui, on y allait. On allait voir le lancement. Et aussitôt le lancement terminé, on prenait le boulot. Le coup de sirène au boulot. Et puis il y a quelques lancements qui ont été faits et les familles étaient invitées en avant une carte. Après, Loire-Bretagne, ils ont commencé à dire bon, ben, le lancement sera en public parce qu'ils ont toujours eu peur qu'il y ait des accidents autour. D'ailleurs, il y en a eu d'ailleurs après. Et c'est pour ça que c'était la vraie fête. Et puis les gosses ont travaillé qu'au dernier moment. Après, ils ont dit bon, ben allez, à 3h, si le lancement était à 5h, allez, à 3h, tout le monde s'en va. Et moi, j'avais entendu au téléphone le directeur, j'aime mieux leur donner 2 heures que d'entendre une bande de braillards dans le chantier. Parce que les premiers lancements, quand le préfet arrivait, oh, des sous, la prime et tout. Parce qu'il n'y a pas de prime au départ, on n'avait pas de prime. Et il y a quelques années, on a réclamé une prime de lancement. La direction a dit, ben non. Et puis il y a eu des lancements où le préfet est venu et tout, puis qu'on gueulait, la prime. Alors, ça faisait mauvais effet pour le directeur. Et il avait dit ça au téléphone, j'avais entendu, moi. J'ai mieux donné 2 heures que d'entendre cette bande de braillards. Voilà. Donc ça s'est terminé, ils nous ont donné 1 heure, le jour du lancement. Ouais. On finissait 1 heure plus tôt. Ouais. On avait une prime, mais faisait le lancement à la marée du soir. C'est que le chantier était vide. Ouais. Bon. Ouais. J'ai fait le matin quand on travaillait. Oui. Le Jean-François de Nantes, on l'appelle le chanteur, c'est ça? Le chanteur, ah oui, celui qui est au souk. Voilà. Et alors j'essaie de savoir, il disait quoi? Haut les mains? Haut les quoi? Hein? Haut les quoi? Au liqueur. Non, on les masse. On les masse. On les masse. On les masse. Au bois. Au bois. Appuyez au bois. Appuyez au bois. On les masse. On les masse. Alors c'est le. On en a un, je crois. Il est en bois par terre. Une espèce de roi. C'est une gueuse en fond. D'accord, c'est ça. Et après, qu'est-ce qu'il disait? Au souk. Au souké. Au souk. Au souk. Au souk. C'est. Au souké. Il chantait pour la bonne raison, c'est que des deux côtés du navire, on le voit d'un côté, là. Parce que pour soulever la glissière, c'est des deux cales opposées une de chaque côté qui sont là. Alors, fallait donc pour pouvoir soulever, il fallait qu'il tape en même temps. D'accord. Et c'est pour ça qu'il y avait un appel. Vous entendez le rythme. C'est lui qui donnait le rythme. Le rythme. Olema, c'est au souk. Oui. Alors, appuie au bois. Appuyez au bois. C'est-à-dire, t'appuies au bois, c'est. Tac, pour taper. Quand t'amènes la. Auprès, appuyez. Elle n'est pas ta machine, elle est après. Donc, Olema, appuie au bois. Appuie au bois et souk. Les ceux qui faisaient ça, ils étaient spécialisés dans les charpentiers, des échafaudeurs, des charpentiers bois, qu'on appelait ça, beaucoup de menuisiers. Il y avait un chef de lancement que vous avez vu, lui qui regardait partout pour enlever les accords de chaque côté. C'est un ordre bien précis, parce qu'il ne faut pas que avoir tout d'un côté d'un seul côté. Il fallait bien précis, c'est le chef du lancement qui. Mais d'ailleurs, le jour du lancement, il y avait un gars qui était en bois, avec s'il y avait par exemple 10 accords de chaque côté, alors le chef à la tribune disait accord numéro 10, abatté. Abatté. Donc il tenait le machin. Dès que l'accord numéro 10 était enlevé, donc après accord numéro 9, à venir de l'arrière vers l'avant. Il retirait au fur et à mesure. Alors en fait, le bateau, après, en principe, il est en équilibre, en fait, à la fin. C'était l'ingénieur en chef qui. Oui. Dans le bloc, là, comment il s'appelait, là. Et c'est arrivé souvent que les derniers, parce que là, en fait, le bateau, s'il descend d'un centimètre, hein, vous imaginez la pression à la graisse quand ça descend. Les derniers, on voit ça avec la gueuse, là. Et des fois, c'est à la hache qu'il fallait enlever les morceaux de bois, tellement que ça appuyait dessus, par le poids. Hein. Et puis là, il n'y avait plus que 7-8 minutes, le temps de remonter, tout le monde remontait en haut, commençait à découper, et c'est parti. Quand je vous ai dit, c'était du suif qu'on mettait au départ, et moi j'y suis allé avec mon oncle qui avait un bateau, il y avait plein de bateaux en Loire pour récupérer le suif, c'était juste après la guerre, pour faire du savon, mais récupérer le suif. Et après, ils ont remplacé le suif par une graisse spéciale. C'était une espèce de grosse graisse marron épaisse. Il faut la mettre. Ils appelaient ça du paragon, il fallait chauffer. Il y a des conditions tout à fait particulières, justement pour pas qu'elle fasse colle, qu'elle se sape. Et bon, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai? On m'a raconté ça. Un escorteur comme celui qui est en face, à Bordeaux, sur du lancement, avec la nouvelle graisse, là, ils avaient fait venir tous les crans de fretés que j'appelle, moi, c'est tous les amiraux et tout ça, descendus de Paris. Avec un train spécial, la musique de la flotte, et blablabla. Et puis, bon, il coupe la tôle, le bateau a descendu de 10 mètres, puis il s'est arrêté. Alors là, tout le monde a rembarqué dans les trains pour foutre le camp, et l'ingénieur chargé du lancement a été licencié le jour même. Comment ils se sont démerdés après pour le relancer, je ne sais pas comment ils ont fait. Ça pose des problèmes, mais là. La mauvaise utilisation de cette base. Du jour que c'est commencé les travaux, on ne peut pas arrêter, pour continuer. Ah là. Et j'avoue, les gars qui bossaient à longueur de journée en dessous, c'est crevant, parce que c'est souvent comme ça. Donc j'ai toujours courbé en dessous à travailler. Alors moi, je travaillais le dernier jour seulement. Ah bah, bah, je réparais le au soupe, ouais, bah, oui, au soupe tu... la sonorisation et puis la lumière. Tu t'occupais du micro et de l'ampli. Puis, ouais. Bah oui, bah, la musique et tout, bah, j'ai rabattu les corporations nobles. Hein. C'est et puis alors, comment, souk. Pour les lancements, autrefois à la Loire. C'est comment, souk. À la Loire ici. Souk. Au souk. Souquet, ça veut dire serré. S-O-U-E. Souquet. O, c'est ça? Comme Oïs, oui. Mais Olemas, par contre, c'est. Alors, Olemas, c'est bien. H-A-U-T. C'est ça. Olemas, c'est masse en haut. Olemas, appui au bord. Appui au bord, ça veut dire la masse et après, au souk. Au souk, au souk, au souk, et tiens bon. Et tiens bon. Oui, tiens bon à la fin. Et la prime de lancement, bon. Et comme vous avez vu, malheureusement, le gars que le chanteur que vous avez vu, il est décédé il y a un certain bout de temps. C'était toujours le même, hein, bien sûr. D'accord. Ah, bah, le chanteur, et l'équipe des lancements, ouais. C'était pratiquement toujours la même. Alors, autrefois, la Loire, l'équipe des lancements. Oui, en principe, hein. Autrefois, j'ai su par les gars de la Loire, pour récompenser ceux qui travaillaient en dessous, ils étaient invités à un bistrot en dehors des chantiers. Et ils avaient le droit de voir ce qu'ils voulaient, en quantité industrielle, s'ils voulaient. Et c'est la direction qui payait. Bon. C'était un peu injuste, j'ai dit, moi je bois pas, donc j'ai rien. Ceux qui, c'est le patron qui paye, glou, glou, glou. Et il y en a qui étaient assez bien que, je ne sais plus en quelle année, à la Loire, ils avaient dit, bon, ça sera un litre de vin, la somme d'un litre de vin. Donc, parce que c'était une prime non imposable. Alors, il paraît, après, c'est avantage en nature. C'est ah oui, avantage en nature. C'est une histoire, parce que vous avez vu, là, les bateaux sont lancés derrière le premier. Oui. Le nez du bateau, c'est sur le haut de la cale. Sauf, on l'a vu au début du. Au début du machin, le Bougainville qui s'en va là, il a été fait sur la. C'est facile à comprendre. Sur la cale couverte, il est sur la cale couverte. Ah oui, bah oui, bah c'est. Ah, ça aurait dû géant. Il est donc, il a été lancé le nez premier. Ah, oui, oui. Et dans le temps, mais ça, je ne sais pas si on a vérifié, dans le temps, il disait que c'est. À l'avant, tous les bateaux étaient lancés le nez premier. Et à l'avant du bateau, il y a un trou, et le bateau était tenu par une cale. Oui, il fallait enlever. Et c'était un bagnard. Il venait faire sauter la cale, il a fallu qu'il fasse vite pour tomber dans le trou. Alors, s'il a réussi à foutre dans le trou avant que le bateau foute le temps, il était grancier, si. Ouais. Mais c'est condamné à mort. C'est quoi ça? C'est condamné à mort. Les trois quarts du temps, il était tué par le bateau. Pas pratiquement, il était mort. C'est la légende. C'est vrai, la légende. Mais de quelle époque? Non, la vraie histoire, c'est que nous, on enlève les accords. L'autrefois, il ne les enlevait pas. C'est tenu par un tas de bois, et il laissait le bateau s'en aller, et tous les morceaux de bois tombaient en même temps et les entraînaient. C'était pas 10 accords. Comme là de son côté, c'était plein de petits morceaux et il poussait le bateau, il s'en allait, donc il est retenu que par une cale. Donc tous les morceaux étaient enchevêtrés en dessous, le gars il était pris dans les morceaux en dessous. Le problème de la tombée des accords, c'est que tu mets le bateau en équilibre. Oui. Bah voilà. En équilibre avant qu'il n'ait commencé à bouger, oui, c'est dangereux. C'est comme à ce moment-là. C'est pas... Et c'est ça pourquoi le gars il était enchevêtré dans les morceaux. Il gardait les béquilles. Le mec qui s'occupe du lancement, il vérifie si le chargement à bord du bateau, c'est à peu près équilibré. Quoi, parce que, comme je vous ai dit, on lance les bateaux maintenant, on lançait à la fin des bateaux excessivement lourds, parce qu'on mettait les moteurs principaux à bord et tout était à bord. Avant il n'y avait que la coque qui s'en allait. Elle venait à quai, et c'est après qu'on chargeait les moteurs et tout. Parce que là, ils chargeaient sur cale. Alors ça fait un sacré poids, alors mais il faut que ça soit équilibré, quoi. Ah oui, bien sûr. Mais si il paraît l'histoire du condamné à mort, c'est vrai, pratiquement personne ben, s'en sortait. Je... Il était tué par les morceaux de bois qui tombaient dessus. Gens, ça entraînait tous les morceaux. Mais de quelle époque? Oh, c'est vieux. La Rochelle, du moins. Des choses plus récentes, c'est... Genre 18e On ne sait pas. Mais enfin, par contre, les essais des barcades de sauvetage, par exemple. Ah, bah oui. C'est pas si vieux que ça, et là c'est plus bon. Ben, j'y arrivais juste quand il est tombé, le genre. Alors, l'accident qu'on a eu ici. Il y a eu deux morts. Ouais. Avant ça, alors, moi j'ai pas vu ça moi-même, mais on m'a dit qu'à Dubigeon, ils allaient chercher les clochards du coin pour charger les barcasses. Ah, vous savez, mais il y a des sacs de ciment, des sacs de sable de 60 kg. Pour faire des essais des barques de sauvetage, ils allaient chercher les clochards, ils les mettaient dedans, puis après ils leur donnaient un litre de rouge et puis un sandwich pour. Voilà. Alors, c'était pour essayer les barres, ce qui veut dire non, s'il y avait 60 personnes, ça pouvait tomber. 60 personnes. Ça a tombé. Malheureusement, la barquette s'est tombée d'un seul coup. C'est tombé, Mais nous, on a vécu ça, du coup, au chantier, ici, c'est bien plus récent. Où là, du coup, on ne mettait plus des clochards dedans, mais on mettait des sacs de sable. Oui, et puis il y avait trois gars qui se valaient dedans. Alors, il y en a un qui a eu la scie à la vie sauf parce qu'il avait la diarrhée. Bah. C'est l'histoire vraie. Il devait être trois dedans. Parce qu'en fait, ils avaient mis les sacs de sable. Il y avait 60 sacs, parce qu'il y avait 60 personnes. de 60 kilos, et il y avait toujours quand même deux ou trois gars qui se tenaient à la corde à nœud qui descendait pour les essais en même temps. Et là, il y en a un qui a dit, moi je peux pas, moi j'ai la diarrhée, je m'en vais aux toilettes. Hein. Et les deux autres ont descendu quand même, et quand il était rendu, il a descendu 7-8 mètres, d'un seul coup, on n'a jamais su, les anneaux se sont décrochés, ils sont tombés. Alors, la barcasse est tombée dans l'eau rapidement, plaf, eux ils ont suivi avec un temps de retard, et hop, quand le bateau a remonté, eux ils sont arrivés à ce moment-là, paf, ah oui. Ils sont morts. Ils sont descendus moins vite que le... Ils sont morts. Et depuis ce temps-là, il y a plus de clochards, il n'y a plus de sacs de sable, il n'y a plus personne à bord quand on fait les sacs. C'est-à-dire maintenant, on remplace les barcasses avec de l'eau. Ah, de l'eau qui vient. Et le bas, les... Mais il n'y a plus personne dedans, tout simplement. Les la barcasse est restée longtemps sur le quai là-bas parce que il l'avait gardé, la barcasse. Ben oui, alors, il y a eu un des procès. Clochards, ça ressemble un peu à condamné à mort. Oui, un peu. C'est sympa. Moi, j'arrivais juste, le bateau venait de tomber, les pompiers arrivaient, le devoir était mort. Et le bateau, c'était pourquoi il ne servait pas? Dans les clochards, on les mettait, je ne sais pas pourquoi on les mettait. Dans les barres, parce que dans les barres de sauvetage. Les mettre 60 personnes dans la barcasse. Oui, parce que. Pour voir si. Quand un bateau coule, c'est bien. Et c'est beau de faire voir maintenant l'histoire des bateaux de sauvetage, c'est fou, hein, comme sauvetage, parce que le bateau, avant, on suppose que le bateau est bien d'aplomb, il coule doucement, on descend. Et quand il est comme ça, on ne peut pas embarquer dans le bateau parce qu'il est en dehors. Et puis, le côté, ça froid sur le long. Quand le bateau est comme ça, qui remue, comment vous êtes dans ça. C'est pour ça qu'il y a eu comme un des survivants sur le Titanic. Oui. C'est ceux qui ont réussi à être dans les barcasses. Ah bon? Parce que on imagine les essais ici, c'est long du quai, on descend bien droit dans l'eau. Mais quand le bateau est remue ou n'importe quoi, les bateaux qui sont à côté, là, ils sont loin du bord pour monter dedans. Et puis le côté, ils frottent le long de la coque, ils frottent. Donc c'est, il faudrait le double de bateaux pratiquement. Ils disent bien, les bateaux de sauvetage, c'est pas au point du sauvetage. C'est la mise à l'eau qu'on comprend. Non, il faudrait les mettre des petits canons sur orbite, zoom, alors on les balance en dehors. Tu dis c'est bien au port, quoi. Oui, c'est ça l'histoire.